C'est une grande découverte annoncée mercredi soir dans une des plus importantes revues scientifiques. C'est une découverte française qui, de surcroît, relance un sujet capital. La naissance de l'art est par là même une grande question qui, de par le monde, fut le premier artiste. L'homme moderne, Sapiens sapiens, ou tout au contraire, notre lointain cousin Néandertal. La communauté des chercheurs est très divisée sur ce thème, avec les progressistes pro-néandertaliens, ne doutant pas des facultés symboliques de leur champion, face aux traditionalistes pro-sapiens sapiens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les amoureux de la Touraine et des environs de Langeais vont être contents, puisque l'Indre-et-Loire est à l'honneur au travers d'une grotte préhistorique, la Roche-Cottard, avec peut-être la preuve d'un art néandertalien. Pour en parler, trois co-auteurs de cette belle publication. Jean-Claude Marquet, Jacques Jobert, Éric Robert, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Marquet, premier auteur de cet article scientifique qui vient de paraître dans la revue PLOS ONE, vous appartenez désormais au laboratoire CITER du CNRS et à l'université de Tours. Habitué de l'émission, Jacques Jobert, vous êtes professeur à l'université de Bordeaux et appartenez au laboratoire PASEA. De Tours et de Pessac, vous êtes tous deux au téléphone. En studio, Éric Robert, spécialiste de l'art rupestre préhistorique. Vous êtes maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle. Jean-Claude Marquet, la Roche-Cottard, vous la connaissez parfaitement, puisque c'est vous qui dirigez depuis des années les recherches sur le terrain. Comment et dans quelles conditions ce site préhistorique a-t-il été découvert ? Ce site préhistorique n'aurait jamais dû être découvert. C'est grâce à la construction de la voie ferrée entre Tours et Angers, Nantes, que le site a été découvert. La construction de cette voie ferrée a été décidée au fond du lit de la Loire. Lit de la Loire qui est un lit très large, qui porte un fleuve magnifique, mais également très très dangereux, avec des crues terribles. En 1846, 56, 66, il y a eu des crues énormes. Et il a donc fallu, quand on a construit cette voie ferrée, la surélever de 7 à 8 mètres. Pour ça, il fallait des quantités colossales de sédiments. Ces quantités colossales des sédiments, on les a pris le plus près possible de l'endroit où on en avait besoin. Et les terrassiers, en 1846... sont arrivés à la paroi de tuffeau, de craie tuffeau, et ils ont donc découvert l'entrée d'une grotte. Ils n'ont pas pénétré à l'intérieur de cette grotte. C'est le propriétaire du petit château qui se trouve dans une propriété clôturée de murs, qui, en 1912, a pénétré à l'intérieur de la grotte et en quelques semaines, beaucoup trop rapidement bien sûr, il a vidé cette grotte pour y rechercher des outils en silex. Il en a trouvé beaucoup qui ont été à l'époque déjà considérés comme des outils qui appartenaient à la culture moustérienne et donc aux hommes de Néandertal. Jean-Claude Marquet, vous avez repris bien sûr les fouilles il y a maintenant plusieurs décennies. La grotte a été occupée, comme tant d'autres d'ailleurs, par une communauté néandertalienne appartenant bien sûr à la culture du moustérien. Ce que vous avez trouvé, ce sont des silex, c'est de la faune ? Dans la cavité, il y avait donc deux couches moustérienne que l'inventeur de la grotte a découvert. Dans un petit article en 1913, il a fait une petite publication avec un plan de la grotte, avec des photos qui sont de mauvaise qualité mais qui ont le mérite d'exister quand même. Il a publié ça dans un article, dans une revue locale en 1913. Il a donné, dans les deux ou trois années suivantes, il a donné ses collections de silex taillé et de faune également, qu'il a trouvé bien sûr. Il a donné ça à la Société archéologique de Touraine. Et malheureusement, quand la Société archéologique de Touraine a déménagé dans un autre hôtel particulier à Tours, eh bien, ces silex taillés ont disparu. Ils ont été empruntés par un collectionneur qui a oublié de les rendre, bien sûr. La faune, elle, est encore parfaitement conservée au musée de préhistoire du Grand Précigny, dans le sud de la Touraine. Jean-Claude Marquet, dans quelle partie de la grotte se trouvent ces gravures, puisqu'il s'agit bien de gravures ? Ces gravures sont dans la troisième salle de la grotte. Cette grotte est très petite. Cette grotte ne mesure que 33 mètres de longueur. Elle est largement ouverte à l'extérieur maintenant, hein, depuis qu'elle a été fouillée en 1912. Et lorsque j'ai pénétré, moi, dans cette grotte, en 1976, 77, 78, pour y faire quelques recherches, j'ai vu ces tracés digitaux sur les parois, bien sûr, mais en 1973, 78, etc., c'était beaucoup trop tôt pour contacter un grand spécialiste de l'art préhistorique qui m'aurait pris un petit peu pour un fantaisiste, pour un imbécile. Et donc, je suis resté muet sur ces gravures à l'époque. Alors, disons-le, ce sont des représentations qui sont majoritairement réalisées avec le doigt sur un calcaire extrêmement tendre qu'on appelle le tuffeau, Éric Robert ? Oui, c'est ça. Des représentations, effectivement, pour l'essentiel, faites avec l'extrémité des doigts, assez diversifiées dans leur forme. Et effectivement, ce qui est assez étonnant dans ce site, c'est cette matière première, le tuffeau, dont la pellicule est assez tendre et facilite et permet d'aller réaliser ces différents tracés. On va y retrouver d'ailleurs des formes très, très diversifiées, mais plutôt géométriques. Et ce sont des représentations non figuratives. Totalement non figurative, on va trouver plutôt des ponctuations, des lignes un peu ondulantes, et puis des formes un peu plus structurées et plus organisées, assez étonnantes, et d'ailleurs auxquelles Jean-Claude leur a donné ces noms, qu'on va retrouver, de panneaux circulaires, de panneaux triangulaires ou rectangulaires, et qui sont en fait à l'image de véritables constructions de ces tracés, cette fois réfléchis et soignés, et ça c'est ce que toute l'étude nous a permis de mettre en évidence. Jacques Jobert, certaines figures ont été faites par simple impact du doigt, mais autour d'un gros fossile, c'est bien ça ? Oui, effectivement, il y a un des panneaux qui est constitué comme ça, les représentations graphiques. Moi, je parle de représentations graphiques. Hein. Le terme art, là, qui était utilisé en tout début d'émission, me gêne un peu. Ce sont des manifestations graphiques. Il y a des tracés graphiques, non figuratifs. Mais c'est le sujet dont on va discuter. Voilà, mais parler d'art, c'est un petit peu délicat. Après, oui, effectivement, il y a ce fossile, il y a des éléments naturels de la paroi qui organisent. Et est-ce que vous pensez que le fossile ait pu appeler donc ces représentations ? On se souvient, par exemple, d'un biface taillé autour d'un fossile d'oursin. Donc, le néandertalien avait conscience, bien sûr, du fossile. Jacques Jobert ? On peut toujours le penser, hein, mais après, pour le démontrer, c'est très compliqué. Oui, effectivement, il y a quelques outils comme ça qui sont structurés autour d'un fossile. Il y a une pièce qui est reproduite maintes fois, qui vient d'Angleterre, qui est très connue. Pour la Roche-Cotard, c'est possible, hein, c'est tout à fait légitime, mais c'est très très difficile de le démontrer. Jean-Claude Marquet, d'autres gravures seraient plus complexes. Il y a tout d'abord une sorte d'ogive. J'ai appelé ça au départ le panneau circulaire. Mais effectivement, les tracés qui partent de la partie haute du sommet de ce panneau dessinent une sorte d'ogive. Ce panneau est très simple, avec 4 tracés digitaux sur le côté droit, 2 tracés digitaux sur le côté gauche, et puis un autre tracé extrêmement large tout à fait en bas. Hein, on a un panneau donc d'une très très grande simplicité. À côté de celui-ci, un panneau que j'avais considéré, moi, comme extrêmement difficile à relever, à comprendre, à relever. Et puis, en définitive, en travaillant avec une orthophoto, hein, faite à partir de la photogrammétrie, en travaillant avec des images qui étaient faites en RTI, donc des images avec des orientations de l'éclairage très très variées, très diverses, en éclairant ce panneau à partir du dessous, hein, nous avons vu qu'il y avait 2 tracés ondulés qui partaient de la gauche, qui s'en allaient complètement vers la droite, et puis tout un tas d'autres tracés digitaux qui sont organisés tout autour de ces deux grands tracés ondulés, qui font qu'on a effectivement quelque chose qui semble très structuré, beaucoup plus structuré que le panneau précédent, le panneau circulaire. Alors cette forme d'ogive, ça ne peut décemment pas représenter quelque chose pour vous. C'est totalement abstrait. Alors moi je vous réponds oui, parce que je suis d'accord avec Éric pour dire que ces figures sont absolument non figuratives, mais j'ai déjà 2 ou 3 personnes, il y a très peu de monde, hein, qui vient circuler à l'intérieur de cette grotte, ou bien qui voient des photos jusqu'à maintenant, mais j'ai deux ou trois personnes qui m'ont donné une vision de cette forme ogivale, mais je ne vous dirai pas ce qu'ils m'ont proposé comme vision, parce que on sort du non figuratif, on entre dans le figuratif, et là moi je suis d'accord avec Jacques et avec Eric pour rester sur l'aspect, la connaissance de ce non figuratif chez Néandertal pour l'instant. Peut-être que dans 20 ans, dans 30 ans, on aura d'autres idées, si d'autres grottes avec d'autres tracés sont découvertes. Éric Robert ? Oui, c'est toujours tout le débat, en fait. C'est la première, finalement, qui présente une telle richesse, une telle originalité également dans ce matériau, dans ce support. Et donc forcément, faute de référentiel, aujourd'hui, on s'en tient à ce qu'on est capable de repérer, d'identifier ou de ne pas identifier. Et là, on en reste pour l'instant à cette identification plutôt de lecture d'une forme géométrique. Mais comme le disait Jean-Claude, ce qui est quand même à souligner, c'est le caractère soigné, intentionnel, quelque part anticipé ou réfléchi dans la réalisation de ces tracés. Alors justement, la représentation graphique, peut-être la plus complexe, est un panneau globalement triangulaire et très bien réalisé. Jean-Claude Marquet ? Alors, bien sûr, vous abordez ce panneau, et moi, je le considère comme le plus fort, le plus intéressant, le plus puissant de cette production qui a été faite par un homme, une femme, plusieurs hommes, plusieurs femmes, c'est difficile à savoir. Mais à la suite de la vision de ce panneau triangulaire, on peut là vraiment parler d'une intentionnalité. Personnellement, moi, je crois l'avoir démontré correctement dans l'article qui est paru dans PLOS ONE. Hein, il y a vraiment la personne qui est venue tracer ce panneau avait vraiment une idée très précise en tête avant de se mettre à faire ces tracés digitaux sur une surface triangulaire de la paroi. Hein, des tracés digitaux qui se sont multipliés en restant parallèles les uns aux autres sur toute cette surface triangulaire, et puis surtout ce qui est le plus étonnant, le plus intéressant et qui permet de parler de cette intentionnalité, c'est que dans la partie axiale de ce panneau, il y a deux cordons de ce film d'altération du tuffeau qui sont très minces, qui sont parallèles, qui constitue une espèce d'axe à l'intérieur de ce triangle. Et dans la partie gauche de ce triangle, vous avez trois petits triangles, un plus grand, un moyen, un tout petit. Et si on regarde le plus grand de ces trois petits triangles de très près, on voit que l'homme a fait absolument exactement ce qu'il avait envie de faire, parce que les tracés digitaux qui bordent ce triangle sont des tracés appliqués, sont des tracés qui ont été ralentis au moment où on arrivait à proximité de ce triangle, et je peux même affirmer, c'est pas vraiment une hypothèse, je peux même pratiquement affirmer qu'en arrivant au sommet de ce triangle, le doigt qui au début était à plat sur la paroi, là il s'est tourné très très légèrement de manière à avoir une paroi de ce triangle, qui est constitué de ce film d'altération qui n'a pas été touché du tout. La paroi est verticale, alors que l'autre versant de ce tracé digital, lui, il est à 45 degrés. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jacques Jobert, Éric Robert, est-ce que vous avez tenté de reproduire expérimentalement ces tracés, donc de savoir quels ont été les gestes exacts ? Jacques Jobert ? Non, c'est plutôt Éric qui doit répondre à cette question, parce qu'il a encadré une jeune collègue, Morgane. Alors Éric Robert. Merci Jacques. Effectivement, en fait, il y a eu tout un travail, et c'est ça qui a été très important, à côté de Jean-Claude, qui a été fait non seulement d'études et de relevés pour identifier clairement la série des gestes, l'ordonnancement, mais aussi un travail d'expérimentation. Et Jacques le soulignait, c'est tout le travail qu'a fait ma collègue Morgane Caligaro, qui a conduit comme ça toute une série d'études de relevés, d'expérimentation, d'études taphonomiques aussi, pour comprendre justement l'état de ce support également. Et ce travail d'expérimentation, il a été précieux aux côtés de Jean-Claude pour comprendre non seulement donc restituer les séquences de gestes telles qu'elles ont été réalisées, confirmer aussi que c'était bien des tracés digitaux, parce qu'on a également des griffades animales, par exemple, dans la grotte, mais qui sont parfaitement distinguées et distinctes, et toute une partie de l'étude le prouve, avec des analyses statistiques. Et puis également, voir s'il ne pouvait pas y avoir d'autres outils qui auraient pu être utilisés. On l'a testé, il y a quelques-uns de ces tracés, mais très ponctuellement, qui pourraient aussi avoir été faits éventuellement soit avec un outil en silex, soit avec des outils en matière dure, animale ou végétale. Mais l'essentiel, la très grande majorité, sont clairement faits au doigt. Et ça, c'est tout le travail que Morgan, avec Jean-Claude, ont fait, qui a permis de le démontrer. Jacques Jobert, les traits ne sont pas d'une complexité extrême, c'est même plutôt simple. On sait pourtant que Néandertal est un tailleur qui utilise des techniques extrêmement sophistiquées. Il aurait pu donc faire quelque chose de plus complexe. Oui, effectivement, le bilan néandertalien en matière de capacité cognitive, il est maintenant réévalué pratiquement au quotidien. Au niveau du bilan technique, technologique, on a des productions d'outils qui sont extrêmement sophistiquées, qui sont assez complexes et qui n'ont rien à envier à celles contemporaines des hommes modernes d'Afrique du Nord, du Proche-Orient, d'Afrique du Sud. On a exactement le même niveau de complexité de part et d'autre de la Méditerranée, chez Néandertal et chez les hommes modernes. Donc effectivement, on aurait pu s'attendre à des productions graphiques peut-être réalistes. Mais en fait, le temps de la représentation du monde n'est pas encore arrivé. Que ce soit en Afrique ou en Europe, que ce soit au Proche-Orient ou dans les plaines russes, voilà, c'est pas avant 40, 45 000 ans qu'on va commencer à trouver des représentations figuratif. Et là, on est avant le figuratif, qu'on soit moderne ou qu'on soit néandertalien. Reste bien sûr à découvrir la datation de tous ces vestiges et de tous ces signes, Jean-Claude Marquet. Bien sûr, c'est une sorte de véritable enquête. Première question, ces tracés ne peuvent être réellement pas datés de 1912, puisque la grotte était obstruée, c'est bien ça ? Oui, bien sûr. À partir de 1912 jusqu'à 1973, il aurait pu y avoir des tracés. Bon, ça, nous l'avons démontré très, très facilement, parce que des traces récentes qui ont été faites en 1912, au moment de la fouille dans la grotte, ce sont des traces qui sont extrêmement faciles à reconnaître. Ce sont des traces de coups de pioche, de coups de pic, de coups d'outils de jardinier sur les parois, d'une très, très grande facilité à reconnaître. Et la couleur de ces tracés au fond d'eux-mêmes, elle est complètement différente du fond des tracés digitaux. Donc, cette grotte est obstruée. Vous avez réussi à dater donc ce bouchage de grotte. Oui, pardon. Il a fallu, bien sûr, le deuxième grand problème, après avoir étudié ces panneaux de tracés, ça a été le problème de la datation. Et ça, c'est à partir du moment où j'ai réussi à constituer un projet collectif de recherche international que le problème de la datation a été abordé. Et plutôt que d'utiliser... Alors, le carbone 14 nous avait déjà donné des dates, mais qui s'approchait toujours de 40 000 ans ou qui arrivait ou qui dépassait légèrement 40 000 ans. Et donc, ça n'était pas suffisant. La méthode uranium-thorium, on n'a même pas essayé, parce que sur certains panneaux, il y a un minuscule film de calcite. Mais cette méthode de datation est une méthode qui est très, très difficile, qui serait très, très difficile à appliquer ici à la Roche-Cotard. Et on a donc utilisé la méthode de OSL, la méthode de la c'est de la luminescence. Méthode OSL, LSO, luminescence mesuré optiquement sur les sédiments. Un sédiment qui est recouvert par un autre sédiment, eh bien, il conserve un certain nombre de caractères qu'il a subis lorsqu'il était soumis au rayonnement solaire et au rayonnement cosmique. Et grâce à ce grand laboratoire du Danemark qui a mis au point pratiquement cette méthode il y a maintenant quelques dizaines d'années, de 20 ou 30 ans, la jeune danoise qui a fait 50 datations sur les 4 locus du site a fait un diagramme bayésien qui a permis de dire que la grotte avait été fermée il y a environ 57 000 ans. Bien sûr, il y a une marge d'erreur, mais disons le chiffre central, c'est 57 000 ans. Donc, Jacques Jobert, si les gravures sont antérieures à 57 000 ans, elles peuvent bien sûr pas être l'œuvre de l'homme moderne et seraient de toute manière les plus vieilles œuvres d'art ou les plus vieilles représentations, les représentations graphiques, comme vous dites, de l'Hexagone. Oui, tout à fait, de l'Hexagone et même d'Europe et même, pourquoi pas, du reste de la Terre, parce que en fait, on n'a quasiment rien pour ces périodes du Paléolithique moyen. Encore une fois, si on est en Europe, c'est Néandertal. Si on est au sud de la Méditerranée, ce sont les hommes modernes. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre, on n'a pratiquement rien. Il y a quelques dizaines de pièces, c'est-à-dire des galets, des morceaux d'os, des fragments de pierre qui présentent quelques graffitis, un zigzag, une grille, quelques points, mais enfin, rien de figuratif. Ça se compte sur les doigts d'une seule main, voire des deux, pour l'ensemble d'un continent. Et en France, il n'y a rien à cet âge-là. Et forcément, à 57 000 ans, ce sont les hommes de Néandertal. L'arrivée des hommes modernes en Europe, c'est à peu près vers 45 000 ans. Pour le moment, le site consensuel et qui ne fait pas débat, c'est Batchokiro en Bulgarie, et c'est 45 000 ans. Voilà. Au-delà de 45 000 ans, il y a débat. Il y a quelques collègues qui ont avancé des dates un petit peu plus hautes, qui demandent à être vérifiées parce que la dent humaine n'a pas été directement datée avec un âge plus ancien que 45 000 ans. Jacques Jobert, justement, Néandertal dispose-t-il de facultés symboliques ? La réponse serait plutôt oui. Oui, la réponse est oui, ça on le sait, parce que évidemment tout dépend de ce qu'on met derrière ce terme de symbolique, mais il y a au moins tout le volet funéraire qui ne fait pratiquement plus débat, sauf quelques réactionnaires nord-américains, mais sinon les 9 dixièmes de la communauté scientifique admettent la capacité de Néandertal à utiliser de la matière colorante, rouge ou noire, manganèse ou ocre, à ensevelir des défunts. Et à pratiquer quelques manifestations graphiques. Alors, on ne peut pas dire affirmer que ces manifestations graphiques sont vraiment symboliques. Ça peut être des décomptes, ça peut être n'importe quoi de non symbolique. Mais en tout cas, il y a capacité à dessiner, à graver, à représenter quelque chose qui n'est pas encore le monde, mais une partie du non figuratif du monde. En tout cas, vous, Jacques Jobert, dans la grotte de Bruniquel, vous avez trouvé quand même peut-être quelque chose qui pourrait bien montrer un espace symbolique, entre guillemets. Oui, c'est gentil de citer Bruniquel. Bon, j'aurais presque préféré qu'on reste sur la Roche-Cotard. Mais c'est vrai qu'on a tendance maintenant à associer ou à jumeler ou à comparer la Roche-Cotard et Bruniquel. Et on va le faire, et c'est légitime. Bruniquel, encore une fois, des constructions qu'on ne sait pas vraiment interpréter, qui sont à 300 mètres de l'entrée. Il y a énormément de choses étranges dans cette grotte qui échappent, au registre technique, alimentaire, économique. Et donc, un peu par défaut, on arrive aux hypothèses du symbolique, du cultuel, du culturel. Et donc, voilà, la Roche-Cotard, Bruniquel, voilà, association d'idées, de bilan qui réhabilite encore un petit peu plus Néandertal. Éric Robert, on connaît le cri, mais il y a aussi la question qui tue. Est-ce de l'art ? Effectivement, c'est la question qui revient, qui est centrale. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Alors, vous allez me dire, je ne me mouille pas tes masses. Je vois bien votre déception. Pourquoi je ne sais pas ? En fait, on a clairement pas utilisé ce terme parce que on a aussitôt un imaginaire qui est renvoyé. Et pour la préhistoire, cet imaginaire, c'est notamment Chauvet, Lascaux, avec l'éventail non seulement de ses représentations figuratives, mais aussi de toute une série de constructions, d'élaborations qui sont tout à fait avancées. Et comme Jacques le disait, c'est quelque chose que l'on voit apparaître à partir de 40 000 ans, dans ces sociétés. Probablement parce qu'il y a des changements sociaux qui arrivent à ce moment-là. Donc on n'est pas dans quelque chose de comparable. J'ai envie de dire, c'est ni mieux ni moins bien, c'est autre chose que l'on a là, dont l'intentionnalité est réelle, il y a vraiment un soin qui a été importé, et peut-être dont les intentionnalités ou les fonctions sont peut-être même multiples à l'intérieur de la Roche-Cotard, entre ces différents panneaux. Est-ce que finalement, c'est le tracé ou l'image qui va compter, ou est-ce que parfois, ça ne serait pas aussi tout simplement le geste ? Et cette question peut se la poser. C'est intéressante, ça, oui. Oui. On peut se la poser pour Néandertal. Le geste pour le geste. Le geste pour le geste, le geste pour peut-être autre chose. Et ça, on peut se le poser pour Néandertal, comme on pourrait se le poser aussi pour Sapiens, dans toute une partie des tracés que l'on connaît au paléolithique ou au mésolithique, même pas très loin d'ici, en forêt de Fontainebleau, la question, elle pourrait aussi se poser là. C'est cette connotation du terme art, elle est vraiment très forte et souvent, elle amène à trop de mauvais procès ou de mauvais jugements. Il faut savoir apprécier déjà tout simplement ce que nous offre et ce que nous ont révélé ces incroyables parois de la Roche-Cotard. Il y a une chose quand même qui est assez étonnante avec ces parois, c'est que non seulement on a ces décors, mais malgré tout, on les retrouve sur un même registre, c'est-à-dire que ces différents tracés se succèdent à un même niveau, et on peut les suivre à l'entrée de la salle du pilier, où on va retrouver ces différents tracés. C'est toute une partie, là, notamment du travail que Morgane avait fait, et lorsque les premières images, ces premiers relevés comme ça de l'ensemble de la salle, et des parts aussi la 3D, sont apparus, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce qu'on voit aussi comme une recherche peut-être d'organisation dans cet espace, et tout ça interpelle quand même pas mal. En tout cas, ces représentations de la Roche-Cotard sont-elles l'expression d'une pensée symbolique? Votre article est très prudent sur le sujet. Oui, parce que le mot symbole comme le mot art renvoie forcément là aussi à l'idée alors d'une intention qu'on devrait pouvoir caractériser, d'un sens qu'on devrait pouvoir donner, à aussi pas mal des fois d'imaginaire, encore une fois très actuel, très contemporain. On va y projeter finalement nos propres imaginaires sur des thèmes et des sociétés qui sont très différentes et très éloignées de nous. Donc on voulait éviter de tomber, entre guillemets, dans ces débats qui nous auraient un peu éloignés de ces tracés. Peut-être qu'il y a effectivement une dimension, encore une fois, d'ordre symbolique. On n'est pas en capacité de pouvoir le démontrer. Il faut peut-être espérer aussi que d'autres découvertes viennent dans le futur. D'autres exemples, là, lorsqu'on n'a qu'un site, sans autre référentiel, ça peut être très compliqué de pouvoir raisonner ou analyser. En tout cas, ça doit nous montrer peut-être aussi qu'à l'avenir, ou en tout cas à partir de maintenant, il faut savoir être encore un peu plus attentif et vigilant dans ces grottes que Néandertal a parcourues, que lui aussi a pu laisser des traces, et pas uniquement Sapiens sur les parois. En tout cas, bien sûr, il y a un véritable débat sur le mot art, mais sur un éventuel art néandertalien. Le sujet de l'art néandertalien, donc, ne date absolument pas d'hier. On connaissait par exemple les traits gravés attribués à Néandertal dans la grotte de Gorham's Cave, par exemple, à Gibraltar. Et puis en Espagne, quantité aussi de grottes ont été supposées posséder donc des vestiges peints liés à l'homme de Néandertal. Oui, effectivement, c'est un débat qui revient assez régulièrement ces dernières années. On a ce premier hashtag de la préhistoire, c'est le petit nom qui lui a été donné à Gibraltar, dans une datation assez récente pour Néandertal, autour de 38 000 ans. Et puis ces datations qui ont été effectuées effectivement sur des fins dépôts de calcite sur les peintures par la méthode d'uranium-thorium. Et ces datations-là, elles posent problème. Parce que on l'a souligné notamment avec Jacques, il y a des problèmes liés potentiellement à la méthode et je dirais presque plus au processus méthodologique d'ensemble, parce que des datations, peu importe finalement l'outil carbone 14, uranium thorium ou SL qui va être utilisé, pour qu'elle soit totalement solide, j'allais dire, et convaincante, il faut aussi qu'elle soit pleinement contextualisée. Et ça, c'est quelque chose qui fait défaut, et à l'inverse, à contrario, c'est tout le travail que Jean-Claude a voulu mener ici, d'avoir cette contextualisation totale par le matériel, par le contexte géologique, tout le travail que Jean-Jacques Macaire, que Hubert Camus ont fait pendant des années, tout le travail d'études pariétales, d'expérimentation, et la succession des dates qui ont été faites par les collègues, tout ça, en fait, vient nourrir et vient, en revanche, va dire confirmer pour nous et solidifier la proposition que l'on fait au travers de cet article. Il y a donc bien sûr un débat dans la communauté, mais la recherche continue. Un grand merci donc d'avoir participé à cette émission et bien sûr, bravo pour cette belle publication dans PLOS ONE. Carbon 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Philippe Thibault et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chapon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbon 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. We'll be right back.